Exercice 10, page 121. A. Qu'est-ce que tu traduis ? Transformer. Tu traduis quoi ? B. Qu'est-ce que tu produis ? Transformer. Tu produis quoi ? C. Qu'est-ce que tu construis ? Transformer. Tu construis quoi ? D. Qu'est-ce que tu suis ? Transformer. Tu suis quoi ? E. Qu'est-ce que tu fuis ? Transformer. Tu fuis quoi ? F. Qu'est-ce que tu cuis ? Transformer. Tu cuis quoi ?